50 languages. 19. 19. في المطبخ. Dans la cuisine. Dans la cuisine. ألديك مطبخ جديد؟ As-tu une nouvelle cuisine? As-tu une nouvelle cuisine? ماذا ستطبخ اليوم؟ Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? أتطبخ بالكهرباء أم بالغاز؟ Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? هل أقطع البصل؟ Veux-tu que je coupe les oignons? Veux-tu que je coupe les oignons? هل أقشر البطاطا؟ Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? هل أغسل الخس؟ Veux-tu que je lave la salade? Veux-tu que je lave la salade? أين الأكواب؟ Où sont les verres? Où sont les verres? أين الأطباق؟ Où est le service? Où est le service? أين طقم أدوات المائدة؟ Où sont les couverts? Où sont les couverts? أعندك فتاحة علب؟ As-tu un ouvre-boîte? As-tu un ouvre-boîte? أعندك فتاحة زجاجات؟ As-tu un décapsuleur? As-tu un décapsuleur? أعندك بزال؟ As-tu un tire-bouchon? As-tu un tire-bouchon? أتطبخ الحساء في هذا القدر؟ Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? أتقلي السمكة في هذه المقلاة؟ Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? أتشوي الخضر على هذه المشواة؟ Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? أنا أجهز السفرة. أعد المائدة. Je mets la table. Je mets la table. ها هي السكاكين والشوك والملاعق. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. ها هي الأكواب, الصحون وفوط السفرة. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Voici les verres, les assiettes et les serviettes.